Helgvor du fleuve bleu de Joseph Henry Books, dit Rosny aîné. Première partie. Chapitre 1. La montagne dévorante. Les femmes, à l'entrée des cavernes, contemplaient la flamme rouge qui menaçait les astres, et le ciel s'abaissait sur la plaine comme le creux d'un roc. Le vieillard, Urm, disait « Nos pères ont vu couler des torrents de feu. Le feu fondait la pierre. Les hommes mouraient comme des sauterelles. » Il avait l'âge des corbeaux blanchis. Les eaux croyaient qu'il était né avec les étoiles, le fleuve et les forêts. Les autres vieillards regardaient avec des yeux creux. Parce que c'était le temps où les hommes forts cherchent au loin les grands herbivores, la flamme rouge semblait plus redoutable. La montagne grondait dans ses profondeurs. Urm parla aux choses homicides qui vivaient dans la pierre. On ne sait jamais quand elles s'évadent. Les eaux arroseront la montagne de sang chaud, clamait l'ancêtre. Les cœurs vivants seront arrachés des poitrines et nourriront les vies cachées. Il élevait des mains suppliantes qui avaient la couleur de la cendre et tremblaient comme des roseaux. La flamme pâlit. Les gémissements des femmes se répandirent de caverne en caverne. La voix de la montagne s'abaissa. Les eaux sacrifieront au lever du soleil, promit encore le vieillard. Et il murmura. Les eaux descendent du grand sanglier qui est sorti du roc un jour que le feu remplissait les torrents. Les eaux sont les fils du sanglier rouge et du roc. La tribu venait de l'Orient. Elle savait forger le bronze et cultiver la terre, tandis que les hommes de l'Ouest taillaient encore la pierre. Les cavernes abritaient 200 guerriers, autant de femmes nubiles, 300 enfants, peu de vieillards, et la race pratiquant la loi qui est de tuer les faibles, elle vivait sans tard. Demain, fit doucement Urm, trois femmes et un guerrier doivent périr. L'épreuve des pierres les désignera. Ce commandement, transmis de la plus haute caverne jusqu'à la plus basse, rassura les femmes. La montagne avait compris. On n'entendait plus qu'un bouillonnement lointain. La flamme du cratère devint presque invisible. Les femmes et les vieillards rentrèrent dans l'ombre des rocs. Urm demeurait seule avec Glava, fille de Wokr, qui appartenait au guerrier Wam le lynx, car les enfants sont aux frères de la mère. Une seule saison séparait Glava de l'enfance. Elle n'avait pas la tête cubique d'Ezo, ni la sourcil oblique. Une aïeule reparaissait dans son visage clair, dans les flammes rousses de ses yeux et dans son immense chevelure sans cesse croissante, alors que celle d'Ezo s'arrête et se replie en serpent. Urm y reconnaissait la race des lacs verts, dont les guerriers Tso avaient jadis capturé des filles. En ce temps, à cause d'une longue disette, les femmes furent décimées, car les aliments doivent aller d'abord aux guerriers. Quand elles devenaient trop faibles, la massue les abattait et leur chair nourrissait les survivants. Glava, songeant à l'épreuve des pierres, haïssait les vies cachées. Pourtant, elle était sûre de ne pas périr, car, haute et flexible avec des muscles durs, plus forte et plus agile qu'aucune femme des trois clans, elle soulèverait le plus épais des blocs. Mais Amao, sa sœur, qu'elle préférait à toute la tribu, serait immolée. Une colère épouvantée grondait dans la poitrine de Glava. Le chef, Xam, fils du sanglier noir, lui était odieux pour sa rudesse, sa férocité, et parce qu'au retour des grandes chasses, il lui briserait deux dents canines et ferait d'elle sa femme. Sa tête d'auroch, son odeur de chacal, ses yeux frénétiques la remplissaient de dégoût. Elle ne voulait pas voir périr Amao. Pour la sauver, elle se lèverait contre Xam. Urm, elle est vie cachée. Les étoiles sont froides, marmonna Urm. Pourquoi ne rentres-tu pas dans la caverne? Jadis, il fut le chef des hommes du roc. On lui obéissait encore, malgré ses membres desséchés, parce qu'il connaissait seul toute la légende et tous les mystères. D'ailleurs, sa force dépassait celle des vieillards plus jeunes. Il escaladait les cimes. Il marchait pendant la moitié d'un jour. On commençait à croire qu'il était immortel. Glava ne l'aimait point. Il exigeait continuellement des sacrifices et il regardait couler le sang avec une gravité joyeuse. « Je rentrerai dans la caverne, » répondit-elle. « Va, il est bon que Urme soit seule pour dire la grande parole. » Elle disparut et chercha la niche d'Amao. Quoiqu'elle connût le sort qui était sur elle, la jeune femme s'était endormie avec son enfant auprès d'elle. S'il avait été plus jeune, elle aurait été sauve, mais il comptait plus de 6 saisons. Le sommeil d'Amao était trouble et léger. Quand Glava lui eut saisi la main, elle se dressa dans l'ombre. « Lève-toi, » chuchota Glava, « et viens avec ton petit. » Quoiqu'elle fût l'aînée et qu'elle eût veillé sur Glava enfant, Amao subissait la volonté ardente de sa sœur. Elle se leva. L'ombre était pleine de souffle. Des corps obstruaient le passage. Au fond de la caverne, elles se glissèrent par une fissure étroite et raboteuse jusqu'au torrent presque à sec qui roulait entre des murailles granitiques. « Où allons-nous ? » demanda Amao. « Où tu ne mourras point, » dit la fille de Wokr. Une rumeur s'élargit dans les flancs de la montagne. La lueur rouge remonta jusqu'aux astres. Oh, « Les vies cachées se vengeront !» gémit Amao, qui vacillait comme la ramure d'un tremble. La terreur remplissait sa gorge. La tête dressée, sentant passer l'horreur obscure, Glava se courba sous la légende. Mais ses instincts lui conseillaient la révolte et presque l'incrédulité. « Si Amao reste dans la caverne, c'est pour mourir, » dit-elle. « Que feront de plus les vies cachées ?» Sa petite main énergique se ferma sur le bras d'Amao. Le feu rouge enveloppait la cime. L'eau coulait comme du sang. La montagne avait la voix d'un lion démesuré. Alors une colère impétueuse souleva la fille de Wokr. Elle brava les éléments, les vies cachées et les clans. « Les vies cachées sont aveugles, » dit-elle. « Elles frappent comme la pierre tombe. » Elle entraînait Amao, dont l'âme fut semblable à celle d'un enfant. Le torrent devint une rivière et une lune ébréchée parut au-delà du fleuve noir. Glava marchait vite, sans incertitude, ayant choisi sa voie. On n'entendait plus la montagne, mais la lueur rouge augmentait la clarté de la lune. Des chacals, derrière les femmes, glapissaient lugubrement. Puis une bête tachetée surgit d'un buisson. Glava, reconnaissant le léopard, s'arrêta pour lui faire face et poussa une clameur stridente. Allongé comme un reptile, ses yeux pareils à de grands lampyres allumés dans l'ombre, il avançait sournoisement. Au loin, parmi les peupliers noirs, on apercevait la palpitation du fleuve. Les guerriers, armés de l'arc, de la massue ou du couteau de bronze, ne redoutent guère le léopard et ils se gardent de les attaquer. Mais dans le pays des Tzo, ils savaient reconnaître les enfants et les femmes. « Je briserai tes os et je percerai ta poitrine !» cria Glava à l'imitation des chasseurs. Elle aperçut une pierre ronde. L'ayant ramassée, elle la brandit. Ce geste arrêta la bête. « Marche vers le fleuve, Amao !» commanda la fille de Wokr. « Voici l'enfant, je veux toute ma force !» Amao obéit, suivi de Glava qui marchait à reculons. Chaque fois que le léopard semblait trop proche, la jeune fille s'arrêtait, menaçante. Mais il s'excitait. Les entrailles à vide, il aspirait violemment l'effluve des êtres verticaux qu'il voulait incorporer à sa chair. Glava, sachant que tout animal s'inquiète de la vigilance des yeux, ne cessait de la regarder. Légers et furtifs, les chacals suivaient la chasse. Subitement, le léopard changea de tactique. En bonds obliques, il tourna autour des fugitives et se trouva devant Amao. Saisie d'un découragement glacial, elle pensa que les vies cachées guidaient le fauve et demeura immobile. Il flaira cette épouvante et arriva en foudre. Glava l'avait précédé. La pierre fila et frappa la bête au naseau. Avec un hurlement de douleur et de fureur, elle recula jusqu'au fleuve. les chacals miaulèrent, étonnés. On voyait partout surgir leur pelage cuivré et leurs oreilles pointues. Ils étaient faibles, lâches et angoissants. « Le léopard reviendra, » dit Amao. Glava, qui avait repris la pierre, dispersa d'un geste trois chacals aux prunelles fluorescentes. Mais Amao ne se trompait point. Le léopard, à mesure que la douleur s'apaisait, revenait vers les deux femmes. De nouveau, il fut là, avec son cortège de bêtes parasites. « Glava brisera les dents du léopard !» cria la jeune fille. La voix du tonnerre gronda dans les entrailles du sol. Le fleuve devint écarlate. On vit vaciller la montagne et la plaine palpiter comme une poitrine. Glava et Amao roulèrent parmi les herbes. Une fissure du sol engloutit le léopard. Les chacals gémirent. Des vols d'oiseaux claquèrent au-dessus des arbres. Dans la double lueur de la lune et des flammes rouges, l'œil de Glava, égal à celui des aigles, vit craquer les rocs et s'effondrer les cavernes. On les vit cachés. Soupirait Amao. Elles ont tué la tribu, répondit Glava, et tu vis. Le léopard n'avait pas reparu, mais déjà des chacals, flairant au bord de la fissure, glapissaient à l'odeur excitante du sang. De la plaine ravagée et sur la rive du fleuve, des arbres s'inclinaient, des bêtes fuyaient encore, des tertres s'affaissaient lentement. Glava trouva enfin ce qu'elle cherchait. Un canot abandonné par les tsos. Voilà, dit-elle, nous allons partir pour les terres inconnues. Alors l'espérance ressuscita dans le cœur d'Amao. Elle ne regretta ni les clans cruels, ni son maître dur. Toute sa tendresse sauvage se portait sur l'enfant et sur Glava. Or une seule, les cavernes étaient devenues les sépulcres des femmes, des vieillards et des enfants. Pourtant, Urme survivait. Et debout sur une roche, se souvenant du temps où le feu coulait comme une onde, il rêvait. Les guerriers iront prendre des femmes aux hommes du fleuve bleu et des lacs verts. Le sang des prisonniers apaisera les vies cachées. Parce qu'il échappait une fois de plus à la mort, il songea que sa vie ne finirait point, et il méprisa les êtres périssables.